On a besoin d'un pingouin, on va venir de loin. Une gueule sympathique qui va faire entrer le fric. Pas parole et même. Et même